Chapitre 13. À la fin de décembre, la Bastide Rose vit arriver M. de Pandelon et sa femme. Ils comptaient y passer 3 mois avant de regagner Gerlach. Avec une mélancolique émotion, Annonciade retrouva sa petite maison, ses vieux meubles provençaux, les terrasses fleuries, tout ce cadre de la paisible existence d'autrefois près des chers grands-parents. Maintenant, elle y revenait avec son mari, ce Wenaël très cher, si amoureux de celle qu'il appelait Montlys. Il s'en allait sous les oliviers, sous les orangers, il se penchait sur le petit bassin ovale où luisait une eau pure, il cueillait des œillets et des roses dont la jeune femme ornait le salon et la petite salle à manger où les servait Henri, le seul domestique qu'ils eussent emmené. La vieille servante des Labarède, qui avait continué de loger à la Bastide, faisait leur cuisine. Le chauffeur garait à Cannes la voiture que l'on demandait, quand besoin était, par le téléphone que Wenaël avait fait installer. Cette solitude, ce continuel tête-à-tête, ne leur pesait pas. Ils s'aimaient, ils avaient assez de ressources dans leur intelligence pour ne pas souhaiter le commerce avec leurs semblables. Parfois, cependant, ils se rendaient à Nice, où Madame de Pandelon et sa fille se trouvaient cet hiver-là. Ou bien, Run venait passer quelques jours à la Bastide. Elle pouvait, pendant ses courts séjours, s'assurer qu'Annonciade était heureuse, en dépit de quelques nuages dus à des retours de scepticisme chez Wenaël, à des opinions qui froissaient la conscience chrétienne de la jeune femme, ou encore à des accès d'humeur sombre quand il voyait se dessiner, plus sensible, la menace de cécité. Tout cela s'effaçait très vite sous la tendre influence d'Annonciade. Run constatait avec satisfaction que Wenaël ne résistait pas à une prière, à un désir de sa femme. Il l'avoua d'ailleurs un jour en riant. « Cette petite charmeuse, Run, me fait faire ce qu'elle veut, j'ai pourtant assez daubé, autrefois, sur les hommes qui se laissaient influencer par leurs femmes. » Run riposta, « Il y a femme et femme, mon cher ami. » « Tu as raison, ma sage sœur, et te voilà bien tranquille à mon sujet, car tu es sûre que celle-là ne me mènera pas par le mauvais chemin. » De Brahe, Annonciade recevait des lettres assez fréquentes. Chacun s'y mettait pour tâcher de faire oublier à la marquise de Pandelon l'indifférence dont on avait gratifié Annonciade le Hennec. Wenaël riait, ironique et amusé, quand il voyait arriver une de ses lettres. « À qui le tour aujourd'hui ?» « Ah, c'est Messire François. Il ne vous donne pas des nouvelles de son Anglaise, Annonciade. Elle a dû lui faire la nique voici déjà longtemps. » Une autre fois, c'était une lettre de Madame le Hennec. Elle laissait entendre que son aîné lui donnait toujours du souci, qu'il faisait des dettes et que, pour les payer, elle se trouvait fort gênée. Annonciade et Wenaël comprenaient à demi-mot. Monsieur de Pandelon disait « En d'autres circonstances, je me serais fait un plaisir de rendre ce service aux parents de ma chère Annonciade. Mais à eux, non, vraiment. Ce serait encourager leur cupidité. À moins que vous n'y teniez, ma chérie, car naturellement, je n'ai rien à vous refuser. » Mais Annonciade n'y tenait pas du tout, d'autant moins qu'elle soupçonnait sa belle-mère d'avoir fait de sérieuses économies tout en se plaignant de la difficulté à vivre et à élever ses enfants. Un jour de mars, en quittant le casino de Cannes, où il venait d'assister à un concert, M. de Pandelon et sa femme rencontrèrent la comtesse Spelletta. Ce fut elle qui les arrêta, car Wenaël ne l'avait pas reconnue. Elle causa quelques instants, très à l'aise en apparence. Un tailleur de soie rouge foncé, une petite cape de vison l'habillait superbement. Sur ses yeux brillants, sur son visage animé, se projetait l'ombre d'un grand chapeau noir bordé de petites plumes rouges. Cette beauté, faite surtout d'éclat, d'ardeur, frappa Annonciade plus vivement sous ce ciel du midi que dans le salon de Gerlach. Un peu de malaise s'insinua dans le cœur de la jeune marquise, tandis qu'elle répondait aux paroles aimables de Donia Flavia. Celle-ci demanda, s'adressant à Wenaël, qui conservait une courtoise froideur, « Nous vous verrons certainement, tous deux, aux nombreuses réunions qui se donnent en ce moment. »« Non pas, nous vivons en ermite, là-haut, sans souci du monde et de ses pompes. Quelques concerts par-ci par-là, comme aujourd'hui, Un thé, une soirée dans un milieu agréable et tranquille, voilà tout ce qui rompt de temps à autre notre existence de solitaire, laquelle nous plaît infiniment. » La comtesse eut un rire forcé. « Je ne vous reconnais plus. Quel changement ! J'aurais juré cela bien impossible, vraiment, si quelqu'un me l'avait prédit. » « Vous voyez que rien n'est impossible, madame, et je vous assure que cette vie-là ne me fait aucunement regretter l'autre. » « Il faut le penser, car enfin, personne ne vous oblige à la choisir. » Puis, avec un regard malveillant vers la jeune femme, dont la fine beauté semblait mieux ressortir encore dans le manteau de velours turquoise garni de zibeline qu'elle portait ce jour-là, Flavie ajouta « Madame de Pandelon n'aime peut-être pas le monde, elle. » « Pas beaucoup, en effet. Elle a de plus utiles, de plus nobles préférences, ce qui, d'ailleurs, ne l'empêchera pas de remplir les obligations inhérentes à sa situation. Mais, pour le moment, nous sommes ici presque incognito, avant de regagner Guerlac. » Là-dessus, Wenaël prit congé de l'Italienne et monta avec sa femme dans la voiture qui les attendait. Pendant le trajet jusqu'à la Bastide, Annonciade resta songeuse. Wenaël la regardait sans mot dire. En arrivant au logis, il emmena la jeune femme jusqu'à la première terrasse et s'assit près d'elle sur un vieux banc où, bien souvent, monsieur et madame Labarède avaient pris place, côte à côte. D'un geste tendre, il entoura de son bras les épaules d'Annonciade. « Restons là un peu, les orangers embaument déjà et l'air est d'une douceur merveilleuse. » Puis, il faut que je sache quel papillon noir a tout à coup passé dans la tête de mon Annonciade. » La délicate blancheur des joues se colora, les yeux se détournèrent un peu du regard chercheur de Wenaël. Pouvait-elle lui dire qu'une inquiétude irraisonnée l'avait saisie devant la comtesse Spelletta ? Une sorte d'intuition de ce qu'elle avait été dans l'existence du marquis de Pandelon et de la passion qu'elle ne désespérait peut-être pas encore de faire triompher ? Elle essaya de sourire en répondant « Je ne sais où vous avez vu cela, Wenaël. Ce papillon noir n'existe probablement que dans votre imagination. » « Que non, une inquiétude vous est passée par l'esprit, il est inutile de le nier. » Il posa ses lèvres sur les boucles brunes qui sortaient du petit chapeau de velours. « Une folle inquiétude, mon Lise aimé. Je ne veux pas que tu la conserves, entends-tu ? Mon amour est à toi pour toujours. » « Pardonnez-moi, Wenaël !» La voix d'Annonciade tremblait un peu. « C'est une idée, en effet, mais je sais bien que vous m'aimez. » Il la serra contre lui en murmurant passionnément « Tu es ce que j'ai de plus cher au monde !» À quelques jours de là, au retour d'une promenade, ils s'arrêtèrent à la vieille petite église. Rien n'était changé. Au milieu du tableau ancien, Sainte Marthe offrait toujours son plat à des convives invisibles et les flambeaux dorés sur le petit autel se penchaient comme autrefois, attendant que des doigts agiles les redressassent. Assis près de sa femme, Wenaël la regardait prier. Il était dans un de ces jours sombres, car depuis la veille, il sentait sur sa vue comme une menace d'aggravation. Des lueurs, des flammes passaient devant ses yeux, lui laissant une impression de brûlure, ou bien un voile d'ombre s'étendait devant eux, lui permettant à peine de distinguer le visage d'Annonciade, même tout proche. Désireux de ne pas la tourmenter à l'avance, il n'en avait rien dit à la jeune femme, car l'égoïste Wenaël avait de ses soucis pour celle qui lui était si profondément chère. Mais il pensait en la considérant cet après-midi, tout absorbé dans sa prière, « Demain, peut-être sera-t-elle la femme d'un aveugle, mon Annonciade. » En quittant l'église, ils s'engagèrent dans la rue du village, couverte d'ombre. Les femmes, sur leurs portes, les regardaient passer, jeunes et beaux tous deux. Elles disaient avec un peu d'envie, « Elle a de la chance, la petite fille de M. Labarède. Un mari comme ça est marquis et riche. C'est vrai qu'elle est bien gentille, mais tout de même, on n'aurait pas cru qu'elle ferait un mariage comme celui-là. » Sur la route ensoleillée par les roses lueurs du couchant, Annonciade et Wenaël marchaient en silence vers la Bastide. La jeune femme songeait à la prière qu'elle venait de faire, pour que Wenaël acceptât la souffrance, en comprît la force régénératrice et qu'elle sût le guider sur cette voie royale de la douleur où le Christ précède l'humanité pour monter vers l'éternelle joie. Elle sentit qu'une main, tout à coup, se glissait sous son bras. Wenaël dit, la voix un peu changée, « Je n'y vois décidément plus guère ce soir. » Annonciade leva sur lui un regard inquiet. « Vraiment, c'est peut-être l'effet de ce soleil couchant, un peu fatigant pour les yeux. Ou bien vos verres qui sont un peu ternis. »« Oui, peut-être. » Mais il sentait bien, lui, que le moment était venu, que derrière les verres sombres des lunettes, sa vue se mourait en cette fin d'après-midi, toute vibrante de lumière, toute saturée de parfums. Le soir, tandis qu'il se tenait assis près d'Annonciade sur la terrasse que la lune éclairait, il dit à la jeune femme, qui appuyait contre lui son visage, « Je ne te vois plus du tout, mon amour. » Elle eut un grand frisson. Mais, se dominant, elle lui mit ses bras autour du cou et dit ardemment « Eh bien, je serai désormais ta vue, mon bien-aimé. Tu m'es plus cher encore maintenant, puisque tu souffres davantage. » Il murmura dans un baiser « Oh, sans toi, sans toi !» Le mois suivant, Annonciade ramenait à Gerlach son mari aveugle. On les vit dès lors souvent passer dans le pays, M. Pandelon au bras de sa femme, qui le conduisait avec une discrète sollicitude. Parfois, elle s'arrêtait pour parler aux enfants, dans la langue bretonne que lui apprenait Wenaël, pour laisser une aumône et un bon conseil dans quelque pauvre demeure. Son mari se prêtait à tous ses désirs, beaucoup par complaisance d'homme très amoureux, un peu, très peu encore, par souci du devoir d'assistance que lui imposait sa situation et sa fortune. Il traversait d'ailleurs une période d'évolution, non encore résignée à son infirmité, souvent prête à la révolte, et ne trouvant alors de repos, de détente, que dans la tendresse d'Annonciade, toujours présente, discrète et si chaude, s'essayant à fortifier, à élever l'âme de l'époux incroyant que frappait la souffrance purificatrice. L'été passa. Madame de Pandelon, après un séjour d'un mois à Gerlach, quitta la Bretagne pour se rendre dans le Bourbonnais, chez un de ses parents, mais Run resta près de son frère et d'Annonciade. Wenaël semblait se plaire dans cette solitude. Les jeunes châtelains ne voyaient, en effet, personne, en dehors des Lehennec, et encore, les relations avec ceux-ci étaient-elles rares, M. de Pandelon n'ayant pas varié quant à son antipathie à leur égard. Un soir d'octobre, Run, assise près de Wenaël sur la terrasse de granit, face à la mer, lui demanda « As-tu l'intention de rester ici tout l'hiver, mon cher ami ?»« Mais oui, nous nous plaisons fort dans ce vieux Gerlach, Annonciade et moi. Cependant, nous aurions été probablement passés 2 ou 3 mois à la Bastide sans la naissance attendue. Annonciade tient beaucoup à ce que l'événement ait lieu à Gerlach, berceau de notre race. » Il ajouta en souriant « Elle y tient surtout parce qu'elle sait que cela me serait agréable. De fait, presque tous les aînés des Pandelon sont nés ici. » Run dit avec émotion « Ce petit être sera une grande joie pour nous. » Wenaël garda le silence. Chez lui, le sentiment paternel n'existait pas encore. Il était seulement satisfait à l'idée que cet enfant serait peut-être un fils héritier de son nom. Mais la santé d'Annonciade l'occupait surtout, car la jeune femme était le seul être au monde devant lequel s'effondra tout son égoïsme pour ne laisser place qu'à la sollicitude de l'amour. Une porte s'ouvrit dans la bibliothèque. Wenaël tourna la tête, car il avait reconnu le pas léger sur le tapis. Annonciade apparut et vint appuyer sa main sur l'épaule de son mari. « J'arrive avec Omer, Wenaël. Voulez-vous que nous lisions un peu notre vieille amie ?» « Volontiers, mais cette pauvre Run n'y comprendra rien. » Mademoiselle de Pandelon se leva en souriant. « Run vous laisse, mes amis, j'ai quelques courses à faire dans Brahe, puis je m'arrêterai longuement à l'église. Au revoir. » Elle sortit en embrassant Annonciade au passage, car elles restaient 2 sœurs très unies qui s'entendaient pour maintenir autour de Wenaël une atmosphère d'élévation morale dont l'influence devait, peu à peu, pénétrer cette âme détournée maintenant des fausses joies. Annonciade s'assit près de son mari et ouvrit le volume qu'elle apportait. Mais Wenaël la tira contre lui en disant « Non, laisse Omer pour le moment. La mer doit être belle aujourd'hui. Regarde-la, ma chérie. » Oui, sous ce clair soleil d'automne, elle apparaissait d'un vert somptueux, éblouissant la mer bretonne dont le balancement s'étendait jusqu'à l'infini. Blottie entre les bras de Wenaël, Annonciade la contemplait avec une admiration toujours nouvelle. Cet océan aux farouches colères, aux splendeurs enchanteresses, lui devenait un ami, un familier, comme il l'était déjà pour Wenaël. Puis encore, dans l'ardente beauté de ses eaux d'un vert profond, ne retrouvait-elle pas le souvenir des yeux ensorceleurs qui avaient pris naguère le cœur d'Annonciade le Hennec, ses yeux maintenant clos à la lumière? Wenaël, songeur, passait une main caressante sur le bras souple et fin qui sortait d'une manche de voile blanc. Sa pensée, en cet instant, le reportait aussi vers le temps où il vivait dans l'insouciance, dans les plaisirs, vers ses jours passés à la petite Bastide, où demeuraient deux vieilles gens et une jeune fille au cœur pur, ignorante du mal. À ce moment-là, il se disait heureux, et toutes les souffrances d'autrui n'existaient pas à ses yeux. Mais aujourd'hui, l'épreuve l'avait touché, l'une des plus terribles pour un homme tel que lui, car il se trouvait dépendant des autres et surtout de cette jeune femme dont il avait autrefois cherché à troubler la vie. Oui, certes, il savait maintenant ce qu'était la souffrance. Cependant, sans cet accident, sans les jours d'angoisse et de révolte qui avaient suivi, il n'aurait peut-être pas revu Annonciade, ou du moins les circonstances ne les auraient pas rapprochées aussi fréquemment. Il frémit à cette idée qu'elle pourrait ne pas lui appartenir et qu'il aurait continué son existence vide, capricieuse, sans connaître le bonheur d'aimer Annonciade et d'en être aimé. Ses bras se resserrèrent autour d'elle et, continuant sa pensée, il dit tout bas « La vue, sans toi, je n'en voudrais pas si on me l'offrait à ce prix. » Dieu prend parfois, pour arriver à ses fins, d'étranges détours. Ce que ressentait maintenant Wenaël, ce qu'il exprimait avec sincérité, était comme le premier pas vers cette perfection de l'âme sans laquelle il n'est pas de bonheur. Par amour, il avait dominé son orgueil. Par amour encore, il parvenait à cette résignation que certains esprits superficiels prennent pour de la faiblesse, mais qui est en réalité l'une des plus belles vertus des âmes nobles. Chaque jour, au contact d'Annonciade, il apprenait à s'oublier pour les autres et à accepter avec un simple courage l'infirmité qui le privait des plus belles joies du monde, admirer la femme aimée ou s'extasier devant les merveilleux spectacles de la nature. Le jour où il put dire en souriant « Je vois le passé avec les yeux de mon souvenir et le présent avec les tiens, petite âme. Quant à l'avenir, je le verrai avec ceux de mon fils. » Mais je veux oublier le passé où vous n'étiez pas et où je me connaissais si mal. » Annonciade sut qu'il était définitivement sauvé. Ce fut seulement à ce moment que Dieu permit le miracle qui devait non pas rendre à Wenaël la totalité de sa vision, mais lui permettre de distinguer les gens et les choses d'une façon suffisante. On commençait à parler d'un célèbre ophtalmologiste qui avait obtenu déjà de sensationnelles guérisons. Et comme Wenaël souffrait à nouveau de la tête, sa jeune femme lui proposa d'aller visiter le savant. « Je veux bien, pour toi, » répondit-il simplement. Elle comprit qu'il ne se berçait pas d'un vain espoir et que, si la tentative se soldait par un échec, il n'en ressentirait aucune nouvelle amertume. Mais comme elle espérait, elle. Et de son cœur pur, une touchante prière s'éleva tandis que le docteur examinait longuement son mari. « Mon Dieu, faites qu'il revoie le jour, un peu, un tout petit peu, faites qu'il puisse connaître notre fils !» Elle devait être exaucée, quand, après une délicate opération et 2 mois de séjour dans une chambre obscure, Wenaël lui fut rendu, un cri lui échappa, car elle le voyait venir à elle, les bras tendus et les yeux, ses magnifiques yeux couleur de mer, fixés sur son visage avec une expression ardente. « Tu me vois donc, Wenaël ?»« Oui, ma chérie, et je remercie Dieu de m'avoir rendu cette merveilleuse faculté, contempler celle qui est en même temps que la joie de mes yeux, la lumière de mon âme. » et il ajouta, en la serrant tendrement dans ses bras, « Il m'est arrivé jadis de croire que j'étais le plus heureux des hommes. Pauvre fou que j'étais! Le bonheur, je sais aujourd'hui ce qu'il est. Trouver une femme comme toi et mériter son amour. » Fin 2, Annonciade de Delhi.